La Bretagne et la Loire-Atlantique se sont réveillés ce matin sous un ciel couleur ocre aux allures de ciel d'apocalypse. C'est parce que l'ouragan Ophelia, un ouragan de catégorie 3, est passé non loin des côtes en direction de l'Irlande et de l'Écosse où il sévit actuellement. Un ouragan de 7 puissance si haut dans l'hémisphère nord après deux des ouragans les plus violents jamais enregistrés, Maria et Irma, avec des vents allant jusqu'à plus de 350 km/h. Cette saison d'ouragan 2017 est la saison de tous les records en matière de cyclones et ce n'est peut-être, je dis bien peut-être, que le début. Dans l'œil du cyclone, c'est la destination qui est la nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour de nos connaissances sur ces phénomènes météorologiques extrêmes et en quoi ces cyclones dévastateurs nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre leurs mécanismes de formation et d'évolution, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ludivine Oruba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes météorologue, maître de conférence à l'université Paris 6. Bonjour Bernard Legras. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors on va commencer par l'actualité du jour, si vous le voulez bien. Cet ouragan donc de catégorie 3, Ophelia, des vents aux alentours de 150 km/h qui aurait fait, selon un premier décompte, 3 morts en Irlande. Un ouragan aussi haut dans l'hémisphère nord, c'est totalement inédit, Ludivine Robia. Oui, effectivement. Donc, dans le cas d'Ophelia, Ophelia s'est formée à peu près 30 degrés de latitude nord, ce qui est complètement exceptionnel. La plupart des cyclones tropicaux se forment un petit peu plus bas, vers 15 degrés de latitude. Donc, il se forme au sud-ouest des Açores et ensuite, il a une trajectoire nord-nord-est jusqu'à l'Irlande. C'est quelque chose qui est rare, qui a déjà existé, mais qui n'est pas courant du tout. Et sachant que ce phénomène-là, il a été accompagné par des poussières qui ont été donc des poussières qui correspondent à des poussières venant du désert du Sahara. Il est passé également au large du Portugal, où il a accumulé de la suie à cause des incendies qui ont lieu actuellement. Ce qui explique le ciel ocre. Et puis des témoignages d'odeurs de brûlé dans l'atmosphère en Bretagne et en Angleterre. Ludivine Oruba vient de le dire, c'est un phénomène rare. C'est un phénomène très rare. Est-ce que ça atteste de quelque chose? Est-ce qu'on peut en tirer d'ores et déjà des enseignements? Ou est-ce qu'il faut être encore peut-être très prudent, Bernard Legras? Oui, alors il est au nord, il est aussi très à l'est, c'est par rapport à la zone habituelle où circulent les cyclones dans l'Atlantique. Il arrive, ce n'est pas si rare que ça, que des cyclones qui sont nés plus bas remontent en latitude et se transforment en tempêtes extratropicales. C'est-à-dire redescendre d'un cran? Oui, mais surtout change de nature. Oui. Les tempêtes extratropicales, qu'on appelle aussi des cyclones, sont en fait des phénomènes un peu différents, qui ne s'alimentent pas de la même manière. On pourrait y revenir. On y reviendra, bien sûr. Et donc, il peut y avoir, comme ceci, une filiation vers une tempête tropicale. Mais un phénomène qui se produit ainsi, autant à l'est, qui remonte très rapidement vers le nord et qui se transforme effectivement en tempête tropicale, mais qui est déjà au début une tempête tropicale intense, donc qui va créer effectivement un phénomène intense au niveau dans la région extratropicale, aux latitudes de l'Irlande, comme on a pu le voir. Ça, c'est vraiment un phénomène très très rare. Est-ce que c'est un signe précurseur? Il y a des études, une étude récente qui a été publiée il y a quelques années qui indique qu'effectivement, on peut s'attendre à voir plus de cyclones remonter dans cette région de l'Atlantique. Changer de trajectoire, mais on reparlera de tout ça et des causes pour le moment putatives, ou en tout cas des études qui ont été publiées pour essayer d'expliquer ce type de phénomène, parce qu'il y a donc Ophelia, je le disais dans l'introduction, 2017, avant Ophelia, Irma et Maria étaient également des ouragans exceptionnels. Est-ce que ça fait partie du même phénomène, c'est-à-dire ces deux ouragans extrêmement puissants, je crois, et vous me corrigerez si je me trompe, que Irma est aujourd'hui l'ouragan le plus fort jamais enregistré, Bernard Legras? Dans l'Atlantique. Dans l'Atlantique. Hein. Oui, c'est là. Enfin, il y a peut-être un ouragan plus fort une fois, mais c'était en tout cas un ouragan qui a duré moins longtemps. Une des caractéristiques d'Irma est aussi d'avoir duré très longtemps à très forte intensité, d'où les aspects dévastateurs tout le long de son parcours. 130 morts pour Irma estimés, voilà, à 44 pour Maria, ce qui est très important. Maintenant. C'est quand même assez important, effectivement, même très important. Donc, plus tous les dégâts matériels qui ont été faits. Donc, effectivement, ça détient une certaine forme de record. Et l'intensification rapide de Maria derrière est aussi un phénomène assez étonnant. Et on va voir qui échappe encore un peu à la compréhension, on reparlera de ces problèmes d'intensification. Est-ce que la question que je voulais poser, c'est est-ce que Irma, Maria et Ophélia sont trois visages d'un même phénomène, est-ce que c'est un phénomène que l'on comprend ou est-ce qu'il est encore trop tôt aujourd'hui pour tirer des conclusions, Ludivine Oruba? Alors, ce qu'il faut savoir, en tout cas, dans le cas de ces trois cyclones, c'est que un paramètre qui a joué, c'est le fait que cette année, par rapport à la moyenne saisonnière, la température de l'Atlantique Nord était de 1 à 2 degrés supérieure à la moyenne. Étant donné que ces phénomènes puisent leur énergie dans l'océan, disons que la formation de ces cyclones, ou en tout cas l'intensification de ces cyclones, a pu être favorisée par cette anomalie de température. Est-ce que, Bernard Legras, vous le disiez à l'instant, je vous repose la question peut-être dans des termes un tout petit peu différents, est-ce que on parle de phénomènes ponctuels exceptionnels, donc Irma, Maria ou Ophélia, est-ce qu'on peut parler d'une saison exceptionnelle aussi qui est statistiquement non significative, ou est-ce que les statistiques dont on dispose sur les saisons précédentes tendent à prouver que on va avoir ce type d'événement exceptionnel de manière plus en plus récurrente? Alors, on ne peut pas répondre en deux mots. On peut répondre en plus de deux mots. Vous avez l'espace pour donner des éléments de réponse, en tout cas. Bon, il y a un autre phénomène qui a joué, à part l'augmentation de la température de l'océan, qui est effectivement un facteur très important, c'est aussi le fait que le cisaillement, enfin, la variation du vent avec l'altitude, est quelque chose qui était maintenu faible par rapport à la normale dans l'Atlantique Sud pendant toute la saison qui vient de s'écouler. Et ça, c'est une circonstance qui est favorable à la formation, enfin à l'intensification de ces cyclones tropicaux. Ils détestent être cisaillés. Par des vents de haute altitude. Oui, alors que les tempêtes des latitudes moyennes se nourrissent de ce cisaillement et elles adorent. Donc c'est très différent comme procéder, même si ça peut produire des phénomènes intenses dans les deux cas. Donc ça a favorisé la formation probablement dans le cas de Irma, le fait qu'il se soit maintenu à une telle intensité pendant une longue période. Donc les circonstances cette année étaient très favorables, à la fois effectivement des températures élevées, que ce soit sur l'Atlantique proche de l'équateur ou là, pour récemment, ce qui concerne Ophélia au voisinage des Açores, on a 2 degrés de température d'anomalie dans l'Atlantique sur une large étendue au niveau des Açores. Ça joue très certainement, puisque ces cyclones se nourrissent de l'évaporation de l'eau, qui va être favorisée par une température plus élevée. Enfin, ce sont des machines thermodynamiques. Dont on va expliquer le fonctionnement dans quelques minutes. Voilà, on expliquera ça un peu plus tard. Et donc, ces circonstances-là étaient très favorables cette année. On ne peut pas, bien entendu, attribuer un événement particulier ou même deux événements particuliers à une tendance générale qui en l'occurrence est le réchauffement climatique. Et si on veut vraiment avoir une certitude statistique, simplement purement statistique, sans avoir aucune autre connaissance, étant donné que ces événements très intenses sont des événements également rares, heureusement, il faudrait sans doute encore attendre une décennie ou deux pour en être parfaitement sûr. Maintenant, avoir des chiffres statistiquement significatifs. C'est cela. Maintenant, si on se base que du point de vue de la science statistique, c'est-à-dire si on ignore tout ce que nous apprend la science météorologique. Expérimentale aussi. Voilà. Et donc, si on tient compte, par contre, de ce que dit la science météorologique, il y a de fortes indications que ces circonstances favorables à la formation des cyclones vont être plus prévalentes dans l'avenir qu'elles ne l'étaient dans le passé. Ludivine Oruba, votre opinion à ce sujet aussi, avec toute la prudence de rigueur, hein, c'est-à-dire effectivement ne pas tirer une loi générale de simples de trois événements aussi dramatiques et aussi intenses, s'est-il été, de pas d'un seul coup en faire une généralité, mais effectivement les sciences météorologiques aujourd'hui indiquent qu'il est vraisemblable que ces conditions favorables se retrouvent plus fréquemment que ce n'était le cas auparavant. Oui, alors je rebondis sur ce que dit Bernard Legras. C'est très compliqué de tirer des conclusions, en tout cas pour l'évolution de l'activité cyclonique au cours du XXe siècle, parce qu'en fait on a des données statistiques sur les cyclones que depuis les années 70, parce que c'est à partir des années 70 qu'on a eu des satellites météorologiques qui ont pu capturer la présence de cyclones. Donc en gros, on a 40 ans de données, et avec ces 40 ans de données, donc on peut faire des statistiques, mais il est pas facile de faire la différence entre la variabilité naturelle du système, parce qu'il y a une variabilité naturelle, il y a des cycles, le phénomène El Niño, des cycles de 3 à 6 ans, le cycle solaire qui est un cycle de 11 ans, enfin, donc il y a une variabilité naturelle et à côté il y a le dérèglement climatique. Et avec 40 ans de données, c'est extrêmement difficile de tirer des conclusions et de faire la différence entre les deux, donc il faut être vraiment prudent sur ce qu'on avance. Et parce qu'il y a effectivement les images satellites à partir des années 70, mais est-ce que la consignation par écrit auparavant des phénomènes cycloniques peut tout de même nous permettre d'étendre un peu cette vision en amont de ces années 70, ou est-ce que ces indications ne sont pas suffisantes précisément pour avoir des données statistiques qui seraient significatives? En tout cas, pour atteindre la précision dont on a besoin, ces données sont clairement pas suffisantes, parce que nombreux cyclones qui se développent et qui ne passent pas sur des terres, ou alors qui passent sur des terres extrêmement isolées. Et donc, pour tous ces cyclones, on n'a aucune trace de leur existence. Donc ça veut dire qu'on peut dire aujourd'hui très sereinement qu'on ne peut, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas lier directement le dérèglement climatique ou les mécaniques de réchauffement climatique avec l'augmentation du nombre d'événements climatologiques type cyclone extrême, Bernard Legras. On ne peut pas faire ce lien-là directement. On peut supposer, mais on peut pas le faire du point de vue de la simple étude statistique, puisqu'on n'a pas effectivement des statistiques qui sont des durées suffisamment longues pour attribuer ces événements au réchauffement climatique. Mais comme je vous l'ai dit, on a en plus de la connaissance statistique une connaissance physique des mécanismes. On comprend comment fonctionne. On pense quand même que l'on comprend suffisamment bien comment fonctionnent ces systèmes pour être quand même capable de dire que dans l'avenir on n'en aura pas nécessairement plus. Hein, le nombre total d'événements est quelque chose qui pourrait très bien diminuer. Par contre, et c'est aussi vrai d'ailleurs pour les phénomènes de précipitation aux latitudes tempérées, on risque d'avoir plus d'événements plus intenses. Extrêmes, voilà. Il y a différentes raisons. Par exemple, le fait que pour chaque degré supplémentaire, vous pouvez mettre 8% de plus d'eau dans l'atmosphère. Et ça fait 8% de plus d'eau qui peut précipiter. Et qui peut donc donner des précipitations plus intenses. Il y a toute une série d'arguments qu'on aura peut-être l'occasion de développer. Donc ces arguments, il y en a un certain nombre qui sont très simples, très faciles à comprendre. Il y en a d'autres qui sont plus subtils. Mais de façon générale, le changement climatique semble être favorable à l'émergence de systèmes plus intenses. Alors, bien entendu, c'est embêtant parce que les systèmes les plus intenses, c'est ceux qui provoquent les dégâts les plus importants. Si on en a beaucoup d'intensité 1 ou 2, bon, c'est pas grave, mais l'intensité 5, c'est embêtant. Et une dernière question sur cette actualité ou cette saison 2017. Est-ce que ces événements, ces cyclones, on parle de Ophélia, Irma et Maria, mais il y en a eu plusieurs. Hein. Je crois qu'il y en a 7, 8, de 8 événements extrêmes intenses. Il y a eu un réveil au préalable. Dixième ouragan, là. Dans l'Atlantique Nord. Ouais. Hein, parce qu'on va refaire le distinguo tout à l'heure entre ouragan, cyclone et typhon, qui sont le même phénomène climatique, mais nommés différemment en fonction de leur zone géographique. Est-ce que ces événements extrêmes permettent par ailleurs à vous, météorologues, d'avancer dans la compréhension de la formation de ces événements-là? Est-ce que ça permet précisément de se servir de ces événements pour faire de la science, pour avancer, pour mieux comprendre et donc certainement pour mieux anticiper? On le verra tout à l'heure, Ludivine Oruba. Donc les cyclones, c'est notre objet d'étude. Donc évidemment, quand il y en a, donc c'est dramatique du point de vue des populations qui vivent ces cyclones. Après, évidemment, dès qu'il y a un nouveau cyclone, il y a des nouvelles données. donc des données de différentes natures, des données in situ, des données satellites. Donc évidemment, c'est de la matière. Après, ça dépend évidemment de la façon dont on mène nos recherches, mais disons qu'on a actuellement une telle base de données que, disons que ces nouveaux cyclones en particulier, je ne pense pas que ces nouveaux cyclones en particulier apporteront, en tout cas en ce qui concerne mon travail personnellement, apporteront des données supplémentaires ou des données auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à présent. Voilà, disons qu'il y a beaucoup de matière, beaucoup de cyclones, beaucoup de données actuellement. Et il y a déjà beaucoup de travail. Bernard Legras. Oui, je pense quand même que ces phénomènes récents là, vont être des cas d'études spécifiques importants pour comprendre, par exemple, dans le cas d'Irma, comment il a pu se maintenir aussi longtemps à si grande intensité. Dans le cas de Maria, comment il a pu changer d'intensité, s'intensifier aussi rapidement. Passer de 1 à 5 en 24 heures. Bah oui, c'est quand même quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc ça va être regardé très attentivement pour comprendre comment ça a pu se faire et essayer de reproduire le phénomène. Et dans le cas d'Ophélia, ça sera également un cas prototype de transformation de cyclone tropical en une tempête extratropicale. Ça va faire des... Bon, d'un point de vue scientifique, ces phénomènes-là, bon, ce sont des objets scientifiques absolument fascinants. Et les cyclones qu'on vient de voir cette année sont en quelque sorte des prototypes. Le cyclone Irma était une véritable machine parfaite. Et ça va effectivement être des cas d'études, je pense, assez intéressants, d'autant plus que là, on a aussi quand même, par exemple, dans le cas d'Irma, on bénéficie du fait que les Américains viennent de mettre en service un nouveau satellite géostationnaire au-dessus de la région et qui a été capable de faire des mesures à très haute fréquence du cyclone. Et ça va nous apporter quand même des données pour voir les variations rapides, notamment tout ce qui est lié au cycle de la formation de l'œil, qui vont être certainement des données très utilisées. Oui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et oui, à 16h17, vous entendez souffler les vents d'un ouragan, parce que c'est notre sujet d'étude tout au long de l'heure. Nous en parlons avec Ludivine Oruba et Bernard Legras, puisque maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette actualité et de cet ouragan Ophélia qui vient de frôler les côtes françaises et qui est à l'heure actuelle au-dessus de l'Écosse, eh bien on va essayer de rappeler un peu ce que c'est qu'un cyclone, ce qu'est un ouragan, ce que c'est qu'un typhon. C'est la même chose, mais pas au même endroit du globe, Ludivine Oruba. Oui, donc un ouragan, c'est le terme qu'on emploie pour qualifier les cyclones qui se développent donc dans l'Atlantique Nord, donc dans le Golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et dans le Pacifique Nord-Est, donc tous les cyclones qui touchent Hawaï. Typhon, ça c'est pour les cyclones qui se développent dans le Pacifique Nord-Ouest, donc au large du Japon, de la Chine. Et donc cyclone tropical, c'est pour ce qui concerne l'océan Indien et le Pacifique Sud. Donc c'est la même chose, cyclone tropical, ouragan, typhon, c'est juste des dénominations qui dépendent de la région. C'est strictement le même phénomène météorologique, on parle bien de la même chose. Donc on parle plus généralement de cyclone en fait. Donc au long de l'heure, on va plus, c'est le terme qu'on emploie le plus couramment. Bernard Legras. Oui, en français on dit cyclone tropical. Bon, il faut dire cyclone tropical parce que quand on parle aussi de cyclone pour les phénomènes des latitudes tempérées et si on emploie exactement le même terme, on risque de créer une petite confusion. Le terme typhon ou le terme hurricane en anglais, ça veut dire, je crois, un mauvais vent dans des langues asiatiques ou dans des langues indiennes. Bon, et effectivement. C'est bien nommé ainsi. On a entendu, il y a une échelle qui est une échelle fermée de 1 à 5. Cette échelle est bien fermée, Bernard Legras. Il n'y aura pas un jour un cyclone de catégorie 6. Ah ben, c'est pas interdit que si on voit des cyclones d'intensité beaucoup plus grande, on décide un jour d'ajouter une gradation à cette échelle. Il n'y a rien de figé pour l'éternité dans ce genre de choses. L'unité de gradation, qu'est-ce qui détermine qu'un cyclone est de catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5 Conventionnellement, c'est en fonction de la vitesse du vent à une dizaine de mètres d'altitude, mesurer ou estimer, parce que c'est pas toujours facile de mesurer la vitesse du vent réel. Ça mesure aussi les dégâts mécaniques que ça peut provoquer. Et en gros, il y a une échelle de... Une temp... un cyclone d'ordre de niveau 1, c'est quelque chose qui va secouer pas mal de structures, mais qui ne va pas faire de dégâts considérables. Il peut y avoir effectivement des effets de submersion sur les régions côtières. Un cyclone de niveau 2, on va commencer à voir des arbres renversés, des toitures qui perdent des tuiles. Niveau 3, les toitures sont arrachées de façon... pas systématique, enfin il y a beaucoup de toitures qui sont arrachées. Niveau 4, on a des destructions étendues sur toutes les structures légères. Maisons en bois, par exemple, se retrouver complètement détruites. Et puis, niveau 5, on peut avoir des dégâts étendus sur même des structures solidement construites. À cela se rajoute... ça, ce sont des effets mécaniques. Là se rajoutent les destructions qui sont liées à la submersion. Et c'est ça qui est en fait le plus dangereux avec les cyclones. C'est l'arrivée d'inondations, la submersion liée à la montée, de la mer. Qui peut, d'une partie, il y a la dépression au centre du cyclone. Et puis aussi le transport de l'océan par les vents qui soufflent principalement du côté est du cyclone. Dans l'hémisphère nord. Ça va créer des effets où la mer peut monter de quelques mètres, ce qui pour des constructions qui sont construites en bordure d'océan peut être très dangereux. Et après, vous avez les précipitations intenses, c'est le cas pour Harvey, qui peuvent créer des inondations à l'intérieur des terres ou des glissements de terrain quand ça. C'était produit pour le cyclone Mitch dans le Honduras et le Nicaragua, qui avait fait quand même une vingtaine de milliers de victimes. Très important, essentiellement dû à ces glissements de terrain qui avaient emporté des villages entiers. Les dégâts humains liés au cyclone sont essentiellement dus à ces phénomènes d'inondation, de submersion. Qu'est-ce que c'est en fait, Ludivine Oruba, qu'un cyclone? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se forme? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les éléments qui doivent être présents à un moment donné pour que commence la formation d'un cyclone? Est-ce que ça, on le sait très bien ou est-ce qu'il reste encore quelques petites zones d'ombre? On connaît les conditions nécessaires à la formation d'un cyclone tropical. Après, la difficulté qu'on rencontre, c'est que ces conditions, elles sont nécessaires, mais pas forcément suffisantes. Donc, quelles sont les conditions nécessaires? Donc, un cyclone tropical, c'est un tourbillon qui s'organise au-dessus d'un océan plutôt chaud. On dit que la température minimale qu'on doit avoir, c'est 26 degrés sur plusieurs dizaines de mètres, à peu près 50 mètres d'épaisseur. Il faut qu'on ait donc un océan assez chaud. Il faut qu'on soit à une certaine latitude, donc typiquement vers 15 degrés de latitude nord ou sud. Pas trop près de l'équateur, à partir d'un moment... Exactement. Et pourquoi, qu'est-ce qui se passe parce à l'équateur? Parce que si on est trop près de l'équateur, la force de Coriolis, qui est liée à la rotation de la Terre sur elle-même, mais qui permet en fait finalement de créer ce vent tourbillonnaire autour du centre dépressionnaire, cette circulation ne peut pas se mettre en place si la force de Coriolis n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être un petit peu écarté par rapport à l'équateur. Après, il y a d'autres conditions, c'est-à-dire il faut que près du sol, on ait plutôt une circulation convergente. Donc il faut que l'air, ait déjà, avant que le cyclone soit formé, il faut que l'air ait déjà tendance à converger vers une même région. Mmh. Il faut qu'en altitude, on ait plutôt... Le contraire de la convergence, c'est la divergence, plutôt un air qui s'écarte. Donc on a plein de conditions comme ça qui sont nécessaires à la formation du cyclone, mais encore une fois, c'est pas suffisant. Donc on sait pas prédire la formation d'un cyclone. C'est important, on y reviendra sur la prédiction. Effectivement, on sait exactement ce qu'il faut, mais parfois ça crée un cyclone, et puis parfois il ne se passe rien et on ne sait pas bien pourquoi, quel va être en fait l'ingrédient pour allumer le starter, ouais. En fait qui va commencer cette réaction en chaîne. Un mot peut-être aussi sur les conditions atmosphériques, c'est votre spécialité, Bernard Legras, les conditions atmosphériques nécessaires précisément à l'apparition d'un cyclone. Les conditions viennent déjà d'être un peu énoncées par Ludivine. Il y a en outre cette condition d'un cisaillement faible qui est cisaillement des vents. Cisaillement du vent que le cyclone dans sa phase de formation n'apprécie pas du tout. Et puis même ensuite, il faut que le cisaillement reste faible pour que le cyclone puisse se développer, s'amplifier sans être trop perturbé. Alors, la perturbation initiale, dans le cas de l'Atlantique, donc les cyclones naissent beaucoup, alors à part Ophélia justement, dans la région des îles du Cap-Vert, qui est une situation assez favorable. Et cette naissance est initiée par des perturbations qui traversent l'Afrique auparavant et qui vont initier dans cette région la création de cyclones. Il en arrive de ces perturbations environ une tous les 5 jours en moyenne pendant la saison cyclonique, mais toutes ne donnent pas des cyclones. La saison cyclonique dans l'Atlantique Nord, qui va de quelle date à quelle date? Parce que ça varie en fonction des zones géographiques. Hein. Oui. Il y a sept zones répertoriées. Dans l'Atlantique Nord, bon, elle culmine à la mi-septembre. Et bon, on peut observer des cyclones depuis juillet jusqu'à fin novembre, grosso modo. Mmh. Et la culmination, c'est le milieu de septembre, ce qui a correspondu cette année au passage de Irma et de Maria. On va vous mettre sur le fil Twitter les saisons cycloniques, parce que ce sera un peu fastidieux à citer les unes après les autres. Ce qui est intéressant, vous parliez tout à l'heure, Bernard Legras, ce sont vos termes, d'une machine parfaite, un cyclone. En météorologie, on appelle ça le jargon météorologique, ou en tout cas la nomination, plutôt la taxonomie précise, c'est un système convectif de mésoéchelle. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un système convectif de mésoéchelle, Ludivine Oruba? Alors, convectif, ça veut dire qu'on a une masse d'air donc, qui est au contact de l'océan, qui est chaud. Cette masse d'air, elle se réchauffe, elle se charge en humidité, et elle commence à monter en altitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la convection. Et système de mésoéchelle. La mésoéchelle, c'est typiquement ce qui caractérise donc un système d'une taille de, disons, quelques centaines de kilomètres de diamètre et avec une durée de vie de quelques jours. Donc un cyclone, c'est typiquement ça. Donc la mésoéchelle, c'est quelques centaines de kilomètres de diamètre et une durée de quelques jours. Et c'est cette mésoéchelle qui rend votre travail très compliqué parce que justement, c'est trop grand pour pouvoir être complètement... Ça génère trop de paramètres en fait pour pouvoir être complètement pris en charge et modélisé, et en même temps c'est pas assez petit pour pouvoir être complètement compris, quoi. Moi je dirais ça en disant que le problème, en tout cas des gens qui essaient de modéliser numériquement les cyclones, donc avec des simulations numériques en résolvant les équations de la physique, le problème c'est que on doit à la fois modéliser des très petites échelles. Donc quand je dis très petites échelles, c'est des échelles de l'ordre du kilomètre. Par exemple, l'œil du cyclone tropical, son diamètre, c'est à peu près 10, 20, 30, 40 kilomètres de diamètre. Donc si on veut pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'œil, il faut avoir une résolution assez fine, donc de l'ordre du kilomètre. Et en même temps, le système, il peut faire jusqu'à 1000 kilomètres de diamètre, et on a aussi besoin de modéliser l'environnement du cyclone. Donc finalement, on a besoin de réussir à travailler sur une très large gamme d'échelles spatiales, et c'est ça qui rend la modélisation numérique compliquée. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Un mot une fois que cette machine parfaite est en route, c'est une véritable machine thermique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le système d'auto-entretien précisément de ces cyclones, Bernard Legras, et la raison pour laquelle il y a un moment où ils finissent heureusement par se disperser? On a tendance à les représenter comme une machine thermodynamique, c'est-à-dire comme une machine à vapeur. Vous voyez, il y a un réservoir chaud, puis il y a aussi une source froide pour faire fonctionner la machine. Donc la source chaude, c'est l'océan, et l'énergie est essentiellement extraite sous forme d'évaporation. Donc c'est l'énergie dite latente de la vapeur d'eau qui va se manifester ensuite quand l'air va monter et que l'eau va se condenser. Ça va relâcher cette chaleur à l'intérieur, ça va amplifier le mouvement ascendant. Et la source froide, c'est la partie haute du cyclone, la haute atmosphère. La troposphère. Oui. La troposphère, c'est la tranche d'atmosphère qui est depuis le sol jusqu'à environ, dans les régions tropicales où se forment les cyclones, 16 km d'altitude. Les cyclones vont typiquement jusqu'à 15 km d'altitude, des températures où il fait, des endroits où il fait moins 50 degrés. Enfin, la différence de température entre le sol le et le haut est d'environ 100 degrés pour un cyclone. Et donc, c'est cette machine thermique qui fonctionne d'une façon très efficace pour convertir une partie de cette énergie thermique en énergie mécanique. C'est-à-dire en tourbillon, vous faites le mouvement avec le doigt, je le dis pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image. Oui, oui, alors ce tourbillon est créé par les vents qui rentrent depuis l'extérieur du cyclone au niveau, dans la couche près de l'océan, et qui se chargent en humidité, enfin transfèrent de l'humidité vers le cyclone. Et plus ils vont vite, plus ce transfert est important également, la vitesse du vent joue. Et en même temps, du fait de la force de Coriolis, ces vents se mettent à s'enrouler. Et puis c'est le phénomène de la toupie, hein, quand ils se rapprochent du centre, ils se mettent à tourner de plus en plus vite. C'est limité un peu par la friction au sol, mais ils se mettent à tourner de plus en plus vite et on atteint des vitesses extrêmes. Et ce qui est embêtant dans le cas d'un cyclone, c'est qu'on atteint les vitesses les plus fortes très près du sol. D'où les dégâts mécaniques. C'est ce qu'on appelle le mur. On va reparler tout à l'heure de l'œil du cyclone et du mur, qui sont des mécaniques. Vous pouvez nous en dire un mot tout de même, Ludivine Reba, qui sont, puisque c'est là-dessus que vous travaillez, sur la formation de cet œil du cyclone, c'est-à-dire de cet espace circulaire au centre où les vents et les pluies sont quasiment nuls, pas tout à fait, mais quasiment, et qui est un phénomène dont on a encore du mal à comprendre la mécanique de mise en place. Vous travaillez précisément là-dessus ? Oui, donc j'ai travaillé sur cette question. Donc l'idée, c'est que l'œil du cyclone, donc c'est quelque chose que tout le monde connaît. Quand on parle d'un cyclone tropical, on pense tout de suite à l'œil, à cette région donc, où il y a absence de vent, qu'on voit des vidéos sur Internet. Lors des vols, lors des missions aéroportées, on voit des vols qui traversent le mur de l'œil et qui arrivent dans l'œil, et donc là, il fait beau. Et donc l'idée, c'est que le mécanisme de formation du mur de l'œil, c'est quelque chose qui n'est pas compris actuellement. Donc évidemment, il y a des théories, des hypothèses, sachant que l'hypothèse principale, c'est de dire que quand l'air humide s'élève dans le mur de l'œil, arrivé à une certaine altitude, cet air rencontre de l'air plus froid, donc l'eau qui était sous forme vapeur se condense. On dit qu'il y a dégagement de chaleur latente. Et donc, on a une libération d'énergie. Et ce dégagement de chaleur latente entretient la présence d'un œil. Donc ça, disons que c'est quelque chose qui a été observé. Mais par exemple, la question, en tout cas, moi, la question que je me suis posée, mais a-t-on besoin vraiment de ce dégagement de chaleur latente ? A-t-on besoin de cette humidité pour pouvoir avoir un œil dans un système ? Et on peut montrer qu'en fait, les mécanismes purement hydrodynamiques, donc j'entends par là des mécanismes qui ne font pas intervenir des changements de phase, la présence d'eau, etc., peuvent suffire à former un œil. Donc vous voyez, c'est typiquement le genre de question qui est encore ouverte actuellement, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement connu, en tout cas par le grand public. Bien sûr. Et il y a autre chose, et puis on va aller justement voir comment ça se passe et comment on travaille concrètement sur des simulations de cyclones. Il y a autre chose qu'on a évoqué rapidement, mais j'aimerais que vous m'en disiez un mot, l'un et l'autre, qui est un mécanisme qu'on comprend mal, c'est celui de l'intensification. Pourquoi est-ce qu'un cyclone va d'un seul coup passer de catégorie 1 à 2, à 3, à 4 à 5, on pensait que tout ça était relativement connu, et Maria vient de nous prouver qu'un cyclone peut passer de 1 à 5 en 24 heures, ce qui est sans précédent pour le coup, Bernard Legras. Oui, ça c'est vraiment un cas assez remarquable. Comme je vous dis, il va servir de cas d'étude très certainement dans les années qui viennent. L'œil est un phénomène qui est assez noté partout. Tout le monde, on a du mal à comprendre encore sa formation. On a aussi du mal à comprendre comment un œil s'effondre et se renouvelle. Un des caractéristiques d'Irma et aussi de Maria, c'était le renouvellement de l'œil. Irma a dû renouveler son œil une petite dizaine de fois. Et donc l'œil tend à s'effondrer. Alors il y a différents mécanismes là aussi qui sont évoqués. Différentes hypothèses. Il semble qu'il n'y ait pas d'ailleurs qu'un seul mécanisme qui permette à un cyclone de renouveler son œil. Et ce renouvellement de l'œil, ça peut correspondre, et dans le cas d'Irma, c'était le cas, à une intensification assez brutale. Et dans le cas de Maria, je crois que ça s'est aussi produit un peu de la même manière. Donc on peut avoir l'œil qui s'effondre, et puis un nouveau mur qui se forme autour, qui le remplace, et ce mur va être plus intense. Donc il y a une petite période entre les deux où les vents faiblissent, et puis après ils se réenforcent, et ils peuvent éventuellement devenir plus forts. Et alors ça, c'est quelque chose que les modèles de prévision ont un mal fou à représenter correctement. Le mur étant, je le précise, le mur étant l'endroit du cyclone où les vents sont les plus violents. Oui, le mur, c'est quand on regarde ces images prises par les avions de la NOAA, qui est américaine, qui volent à l'intérieur des cyclones, on voit effectivement un entonnoir de nuages, qui est l'œil. Et c'est ça qu'on appelle le mur. C'est-à-dire c'est les nuages. On a une paroi nuageuse qui entoure l'œil et qui forme un entonnoir qui s'évase avec l'altitude. Donc ça ressemble vraiment à un mur physique, oui, c'est tout à fait ça. C'est dans ce mur qu'il y a les précipitations, c'est en dessous de ce mur qu'il y a les précipitations les plus intenses, et c'est au pied de ce mur qu'il y a aussi les vents les plus intenses. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Hurricane season, la saison des ouragans de Trombone Shorty, puisque nous parlons donc des cyclones tropicaux tout au long de cette heure en compagnie de Ludivino Ruba, qui est météorologue, maître de conférence à l'université Paris 6, et Bernard Legras, directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique. Alors l'un des problèmes, on l'a dit dans la première partie de cette émission, que posent les cyclones aux météorologues, c'est précisément leur taille, leur envergure, qui rend le système dynamique extrêmement complexe à étudier, avec à la fois, vous le disiez tout à l'heure, Ludivino Ruba, la nécessité d'étudier à des très petites échelles et en même temps de prendre en considération le phénomène dans son ensemble, avec donc un nombre de paramètres tellement important qu'il est difficile de les mettre tous à l'intérieur d'un supercalculateur. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous, bonjour à tous. Vous êtes rendu comme un ouragan à l'école normale supérieure, mais oui, c'est vous qui l'avez écrit, j'en suis pas très fier, pour comprendre comment on étudie donc les cyclones en laboratoire. Oui, et c'est avec Caroline Muller, chercheuse CNRS, maître de conférence à l'école normale supérieure au laboratoire de météorologie dynamique, qu'on a observé les phénomènes physiques en jeu dans les épisodes tels que les cyclones. On a regardé notamment dans la salle expérimentale du département géosciences de l'ENS l'effet de rotation sur les dynamiques météorologiques, mais on a aussi observé les simulations numériques que Caroline Muller réalise pour comprendre la dynamique des cyclones. Alors on se trouve à l'ENS, dans le département de géosciences, dans la salle expérimentale. Donc on est face à une cuve tournante, et cette cuve est remplie d'eau, on peut la remplir de différents fluides. Et donc c'est un outil très utile pour illustrer, à l'aide d'expérimentations, des concepts que l'on voit en cours. Alors par exemple, l'effet de la rotation. Donc comme vous le savez, la Terre tourne, et le fait qu'on soit sur une planète tournante a des conséquences sur la dynamique météorologique, atmosphérique et océanique. Et donc ce sont ces effets, ces grands équilibres que l'on illustre avec cette table. Donc la question c'est, comment, si j'injecte un colorant dans un liquide, comment est-ce que ce colorant va se propager, se diffuser ? D'abord sans rotation. Donc on va prendre l'exemple d'une cuve sans rotation. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? A priori, ça devrait se diluer de façon... Exactement, ça va juste partir dans tous les sens. Et comme on le disait, comme c'est non tournant, il n'y a pas de direction privilégiée. Ça fait des espèces de champignons qui s'écartent. Donc c'est turbulent, isotropique. On dit isotropique, c'est quand aucune direction n'est privilégiée. C'est quelque chose auquel on est habitué, voilà, quand on a une goutte d'une couleur différente. De lait dans son café. Exactement. Ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si le café tourne? Et la vraie question... Donc là, on se rapproche de la cuve qui tourne, pour le coup. Donc la question, c'est est-ce que ça reste isotropique ou est-ce qu'on a une direction qui est privilégiée? Et là, on voit... Une colonne se forme. Exactement. Alors, on appelle ça le théorème de Taylor-Proudhon et on appelle ça des colonnes de Taylor. Et effectivement, on voit que c'est extrêmement robuste, solidaire dans la verticale. Et en fait, cet axe privilégié, il est lié à la rotation. Ouais. On voit qu'on a une brisure de symétrie par la rotation qui est associée à un axe vertical autour duquel le fluide tourne. On comprend ici la structure très robuste dans la verticale des phénomènes météorologiques, que ce soit les cyclones tropicaux, que ce soit les dépressions ou les... Voilà, qui sont plus courantes à nos latitudes. On voit qu'on a une structure extrêmement verticale. Avec, on commence à avoir des tourbillons qui se forment. Si on devait comparer avec un cyclone tel qu'il apparaît dans l'océan, les colonnes, c'est ce qui entoure l'œil du cyclone ou Oui, l'œil du cyclone, c'est une région de basse pression. Et cette basse pression va aspirer l'air, donc l'air va converger et par la force de Coriolis va se mettre à tourner. Donc on a un équilibre entre ces différentes forces, pression, Coriolis et centrifuge. Et donc de façon similaire ici, selon la pression, on peut avoir une circulation cyclonique ou anticyclonique. Donc cyclonique, c'est-à-dire dans le même sens que la rotation du référentiel. Et anticyclonique, c'est en sens inverse. C'est beau, hein? Ouais. C'est beau, un référentiel tournant. Mais les cartes météo seraient beaucoup moins belles si la Terre ne tournait pas. Oui. Donc la force de Coriolis a une intensité qui va varier en fonction de la latitude. Et effectivement, pour les cyclones tropicaux, il faut qu'on soit vers 10 degrés de latitude, enfin, la bande tropicale et la zone de genèse préférée. Il y a d'autres facteurs environnementaux qui sont importants pour la cyclogénèse, mais ce sont des choses qu'on ne comprend pas encore complètement et c'est là-dessus que mes recherches se portent. Quoi, par exemple? Donc, par exemple, dans des configurations idéalisées, on voit que les nuages tropicaux peuvent spontanément s'organiser. Et ce, malgré des conditions parfaitement homogènes. Donc, ça veut dire qu'on a spontanément une brisure de symétrie. Tout est homogène. Ce sont des simulations très simples que l'on fait avec température homogène, pas de vent grande échelle. Donc, l'environnement est parfaitement calme. Et on voit que spontanément, malgré des forçages homogènes, la distribution des nuages ne l'est pas. Ils vont s'organiser dans un coin du domaine. Et donc, on pense que ce mécanisme est pertinent à la cyclogénèse et à l'intensification des cyclones. Donc, mes recherches s'intéressent à ce qu'on appelle ces feedbacks internes, ces rétroactions internes. Et donc, c'est là-dessus que je travaille et je m'intéresse vraiment à l'essence des processus physiques dans les configurations les plus simples pour bien comprendre ce qui se passe et les relations entre les différentes variables, l'humidité, la température, etc. Alors, quels outils vous utilisez pour faire ces simulations-là? Alors, on a des outils numériques, essentiellement. Donc ça, c'est une simulation numérique. Encore une fois, les conditions sont homogènes. Donc, j'ai une température océanique constante. Et ce qu'on voit, c'est que, par endroits, des nuages sont générés. L'air près du sol est instable, monte, atteint la troposphère. En montant, l'eau sous forme vapeur va se condenser sous forme liquide, puis glace. Et donc, on a une dynamique assez riche, mais on voit surtout que les nuages sont, si on pense à l'organisation spatiale, sont relativement aléatoirement distribués. Donc, ils peuvent arriver n'importe où dans le domaine. Et derrière, j'ai un même type de simulation. Et sous certaines conditions, on voit que l'organisation spatiale des nuages est très différente. Au lieu d'être distribués aléatoirement, les nuages sont complètement agrégés, regroupés dans un coin du domaine. Donc, on a appelé ça l'auto-agrégation, puisque c'est une agrégation des nuages, et auto parce que c'est par des rétroactions internes. Il n'y a pas de forçage grande échelle. Ce sont les nuages eux-mêmes qui créent les conditions qui font qu'ils vont se regrouper dans un coin du domaine. Les observations nous donnent des corrélations. Donc, dans des observations, on va voir que la naissance du cyclone est corrélée avec une anomalie d'humidité dans la basse troposphère, par exemple. Mais ça ne nous donne pas de causalité. Et donc, c'est très difficile de dire si c'est la cause ou la conséquence de l'organisation des nuages. Donc, c'est une difficulté des observations. Une autre, c'est que le cyclone tropical, on va le mesurer à partir du moment où il est formé, mais revenir vraiment à l'instant de genèse est difficile. parce que par définition, on le mesure une fois qu'il est là. Alors une des difficultés qu'on a sur l'étude de l'organisation des nuages tropicaux, c'est que c'est une organisation qui est dite méso-échelle, donc plusieurs centaines de kilomètres. Or, pour bien résoudre numériquement la dynamique des nuages, il faut une résolution de l'ordre du kilomètre. Donc ça veut dire qu'il faut des domaines relativement larges avec une haute résolution et ça a un fort coût numérique. Et donc on a un moment intéressant pour ces recherches parce qu'on commence à pouvoir non seulement faire des simulations avec de tels domaines et de telles résolutions, mais en faire plusieurs, donc avoir des tests de sensibilité. Est-ce que c'est la température qui a fait que le cyclone s'est intensifié? Est-ce que c'est le vent? Donc dans le modèle, on peut changer ces différents paramètres. Voilà le reportage du jour sur la modélisation des cyclones. Vous confirmez, Ludivine Rubas, ce qui vient d'être dit, à savoir qu'on commence à arriver dans la période où la puissance des calculateurs vous permet enfin d'arriver à un certain degré de modélisation qui était jusqu'à présent inaccessible. Oui, effectivement. Donc, grâce à l'augmentation de la puissance de calcul, on arrive maintenant à avoir des modèles globaux avec des mailles de plus en plus fines, donc on arrive maintenant à réaliser des simulations numériques donc qui reproduisent les cyclones tropicaux avec une précision de 1 km, ce qui est en tout cas à l'heure actuelle ce qu'on sait faire de mieux. Après, moi je voudrais donc rebondir sur l'idée que donc on a d'un côté, je pense que pour améliorer notre compréhension des cyclones tropicaux, il faut vraiment suivre plusieurs pistes. Donc il y a cette piste avec les modèles qui ont des mailles de plus en plus fines, donc des modèles dans lesquels on intègre toutes les complexités de l'atmosphère, de l'océan, le couplage entre l'atmosphère et l'océan. L'océan est important pour le cyclone rétroagit sur l'océan, donc on a le phénomène est extrêmement complexe. Donc on a une piste, cette piste-là, qui est la piste numérique. Mmh. Et moi, la piste que j'ai choisie pour mes recherches, c'est une piste de modélisation numérique également, mais simplifiée. Mmh. Ce qui rejoint un petit peu ce qui est fait dans le reportage, c'est-à-dire l'idée, c'est d'enlever des paramètres, des ingrédients. Mmh. Qu'on estime a priori pas essentiel pour le mécanisme qu'on veut étudier. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment d'extraire des mécanismes physiques en simplifiant au maximum, justement, pour pouvoir comprendre quelque chose. Parce que les modèles numériques, donc extrêmement complexes, c'est évidemment utile. Mais si on veut extraire des mécanismes, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de choses dedans. Donc, ces deux pistes, en tout cas dans la modélisation numérique, il y a vraiment deux approches différentes qui, pour moi, sont complètement complémentaires. Mmh. Et alors, parlez-nous justement un peu des travaux, et puis je demanderai tout à l'heure à Bernard Legras peut-être aussi un petit mot sur de réaction à ce reportage. Et parlez-nous un peu de vos travaux justement sur la formation de l'œil du cyclone et sur ces modèles où on en vient vraiment on essaie de réduire à la portion congrue pour essayer de comprendre finalement la racine de ces phénomènes climatiques et météorologiques. Donc l'idée, en tout cas, dans la formation de l'œil du cyclone, donc c'était de ne pas utiliser un modèle numérique complet de cyclone tropical, pardon. Donc je voulais pas reproduire un cyclone tropical, mais je voulais avoir un modèle me permettant d'extraire un mécanisme. Donc là, en l'occurrence, c'était un mécanisme purement hydrodynamique, donc sans eau, donc qui permet de retrouver une structure d'œil. Donc la structure qu'on observe dans les cyclones, sachant qu'après, une fois qu'on a fait cette première étape de modélisation idéalisée, dans un second temps, il est nécessaire de rajouter petit à petit les ingrédients pour voir si le modèle est suffisamment robuste. Exactement, pour tester la robustesse du modèle. Donc disons que c'est vraiment une démarche scientifique qui, pour moi, est complémentaire de la démarche qui consiste à essayer de reproduire au mieux un cyclone tropical. Mmh. Un mot, Bernard Legras, sur ce reportage en règle générale et sur la recherche en modélisation justement des cyclones aujourd'hui. Oui, ce que vient de dire Divine est fort juste. Enfin, en modélisation, bon, il y a différentes approches. Il y a une approche disons maximaliste où on essaye effectivement d'étudier le phénomène dans ses détails, hein, en essayant de reproduire les détails de l'observation. Et c'est sans doute ce qu'il faut faire aussi si on veut vraiment arriver à des prévisions quantitatives. Mmh. Et puis, à côté de ça, il est important aussi d'avoir une approche plus minimaliste qui essaye de comprendre les ingrédients essentiels. Hein. C'est utile d'avoir cette compréhension parce que sinon, on pourrait concevoir qu'il y ait un modèle extrêmement détaillé qui soit capable de reproduire l'atmosphère avec suffisamment de réalisme, et puis on n'en serait pas plus avancé d'une certaine façon. Donc il faut avoir et l'expérience a prouvé que c'était nécessaire pour améliorer les modèles très détaillés, avoir une compréhension des processus qu'on acquiert avec des modèles moins détaillés qui ne prennent pas en compte tous les phénomènes, mais qui prennent en compte les aspects essentielle des phénomènes, même si avec ces modèles minimalistes, bien entendu, on ne peut pas s'attaquer à la prévision du temps qui demande d'avoir des modèles réalistes. Et il y a une chose aussi que je voudrais ajouter. La modélisation est certainement un aspect important, mais il y a aussi l'acquisition de nouvelles données. Hein, et bon, notre domaine est quand même aussi un domaine basé sur l'observation, et les prévisions qu'on fait sont aussi fondées sur l'observation en temps réel de ce qui se passe, pour pouvoir se projeter à partir de ces observations dans le futur. Et c'est aussi nécessaire d'avoir ces observations pour mieux comprendre les mécanismes qui sont au cœur des cyclones. Dans le cas des cyclones atlantiques, il faut souligner le rôle des mesures faites par les avions américains de la NOAA, on a pu le voir, on en parlait tout à l'heure, qui rentrent dans les cyclones. Il y a quelques vidéos, on va vous en mettre, qui sont très très impressionnantes. C'est impressionnant, ils prennent jusqu'à 3G d'accélération quand ils rentrent dedans, donc c'est quand même relativement sportif comme activité. Et mais ce n'est pas pour du sport qu'ils font ça, c'est parce que ça permet de faire des mesures très précieuses. Notamment, ils lancent ce qu'on appelle des drop sondes, c'est-à-dire des sondes météorologiques qui, au lieu de monter tractées par un ballon, tombent depuis l'avion sous un petit parachute, qui permettent d'avoir des profils verticaux qui sont ensuite utilisés pour améliorer les prévisions du temps. Et les scientifiques français, de leur côté, ont inventé un ingénieux système qui n'a pas encore été déployé, mais un système de bouée tractée par un petit ballon qui va se nicher dans l'œil du cyclone et y reste pendant toute la trajectoire du cyclone et permettrait de faire des mesures en continu. Même en cas d'effondrement de l'œil dont nous parlions tout à l'heure. Probablement aussi en cas d'effondrement de l'œil, parce que la structure générale avec un minimum de pression au centre va se maintenir même en cas d'effondrement de l'œil. Et donc ce dispositif, d'ailleurs intéresse beaucoup les Américains et les Japonais. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que ce soit ces derniers qui le mettent en œuvre en premier, compte tenu des lenteurs parfois inhérentes à notre pays. Je vous laisse responsable de ces propos. Un mot, puisque il nous reste une petite dizaine de minutes. J'aimerais qu'on dise un mot, puisque vous l'évoquez aujourd'hui, sur la capacité de prévision, parce qu'évidemment, compte tenu des dégâts que font les cyclones, et notamment des cyclones de type Irma ou Maria de type 5, on fait reposer sur les épaules des météorologues le désir d'avoir une possibilité de prévision la plus fine, la plus petite ou la plus précise possible. Aujourd'hui, quelles sont les limites, quels sont les deltas qui restent et qui sont incompressibles dans le difficile travail de prévision des cyclones tropicaux, Ludivine Ruba? Disons qu'aujourd'hui, on a clairement un problème avec la prévision de l'intensité des cyclones. Disons qu'en termes de trajectoire, c'est pendant les 10 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès. Et disons que la prévision, les trajectoires sont plutôt bien prédites, avec évidemment une incertitude sur quelques dizaines de kilomètres. Mais en tout cas, peuvent changer beaucoup de choses, une dizaine de kilomètres. Effectivement. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de progression dans la compréhension de la trajectoire des cyclones. Par contre, en termes d'intensité, on a clairement atteint une limite. Et l'ouragan Maria, là, qui s'est intensifié, qui est passé de la catégorie 1 à 5 en 18 heures, on ne l'avait pas du tout prévu. Personne ne l'avait, même pas les Américains, avec leur modèle, avec une maille de 1 kilomètre, etc. Donc, disons qu'en termes d'intensité, il y a énormément de travail à faire. Est-ce qu'on comprend ce mur de l'intensité? On sait pourquoi on n'arrive pas à comprendre, en fait. On sait pourquoi on ne sait pas, Bernard Legras, ou est-ce qu'il y a des pistes? C'est difficile. Parfaitement. Bon, comme je vous dis, on a besoin sans doute d'observations plus fines pour voir ce que le cyclone est en train de concocter. Et on a sans doute aussi besoin d'avoir des modélisations à échelle encore plus fine pour représenter correctement ces choses. Et puis il faut aussi admettre que il y a des phénomènes d'instabilité qui peuvent être très difficiles à prévoir. On essaye de pallier cela en matière de prévision numérique, en faisant non pas une prévision, mais en faisant paquet de prévisions. Les présentateurs météorologiques montrent parfois des spaghettis de trajectoires de cyclones. C'est parce que cela correspond à différentes perturbations de la même prévision. Et ça donne une estimation de l'erreur qu'on peut faire sur la prévision. Mais il peut se produire toujours des cas où l'atmosphère choisit la situation la plus improbable. Donc, on est dans des systèmes anthropiques, on est toujours dans des situations complexes où on peut avoir une trajectoire rare qui peut être choisie par l'atmosphère. Donc on aura toujours des limites de prévision, mais on espère pouvoir tout de même les améliorer. La prévision à quelques dizaines de kilomètres, c'est vrai que ça a un impact. Bon, c'est la différence entre un cyclone qui passe sur Saint-Martin ou qui va passer sur la Guadeloupe. Donc ça a tout de même ou ça va passer à l'ouest ou à l'est de l'île. Bon, c'était un peu plus plutôt 100 kilomètres à l'ouest et à l'est de la Floride, Irma. Bon, on a fait varier les prévisions de ce type-là quelques jours auparavant. Même si le modèle européen, qui en l'occurrence est avéré, et c'est le cas pour tous les cyclones récents, qui est avéré supérieur aux prévisions américaines, avait prévu correctement la trajectoire d'Irma environ une semaine à l'avance. Le modèle américain l'envoyait dans l'Atlantique. Le fait qu'il atteignit la Floride avait été prévu correctement. De même pour Harvey, la prévision a été correcte. Un mot aussi sur cette capacité de prédictive. On ne sait pas, arrêtez-moi si je me trompe, corrigez-moi, on ne sait pas dire à quel moment le cyclone se forme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper la formation d'un cyclone. Non, on a vraiment un double problème. Le problème de la prévision de la formation du cyclone et la prévision de l'intensification du cyclone. Donc, c'est deux aspects différents du cyclone tropical. Et comme je disais tout à l'heure, on connaît des conditions qui, quand elles sont réunies, ont une plus forte probabilité de générer un cyclone. Mais encore une fois, on peut pas dire. Il manque l'étincelle. Exactement. Pour conclure, peut-être aussi rappeler, parce que on a parlé ici même autour de cette table de géo-ingénierie il y a longtemps, ça a été tenté de dire on va faire quelque chose, on va envoyer des particules dans le cyclone pour essayer de le refroidir, de le faire précipiter. Ça n'a jamais marché. Ça, pour le moment, c'est des pistes qui ont été totalement abandonnées par la recherche, Ludovine Ruba. Ouais, c'était dans les années 60-70, il y a eu un projet, la Storm Fury, dans lequel les Américains ont ensemencé du iodure d'argent donc à l'extérieur du mur de l'œil, avec l'espoir que ça modifie la structure interne de l'œil et que donc ça fasse baisser l'intensité du cyclone. Mais disons qu'ils l'ont fait plusieurs fois, on n'a pas pu conclure que c'était vraiment utile et que ça avait vraiment marché. Et puis en plus, c'était extrêmement cher. Après, oui, il y a toujours des projets fous qui sont imaginés. Là, récemment, j'ai entendu parler d'un projet. Donc, on voudrait mettre en place des barges avec des pompes autour des États-Unis pour pomper l'eau froide en profondeur et la faire remonter, vous voyez, pour refroidir la surface de l'océan. Enfin, disons qu'il y a des projets fous pour essayer de minimiser le nombre de d'agir cyclones. Sur les cyclones tropicaux. Il y en a eu. Mais il n'y en a aucun qui est concluant. Bernard Legras, vous confirmez pour le moment. C'est des pistes de recherche qui sont abandonnées, surtout. Il faudrait dépenser une énergie tout à fait hors de portée de la technologie humaine à l'heure actuelle pour pouvoir modifier ce genre de système. Agir au moment de la formation, ça paraît absolument sans. Enfin, il n'y a aucune fiabilité, aucune indication que ces méthodes puissent fonctionner quoi que ce soit un jour dans l'état actuel de la technologie. Eh bien, on va se concentrer sur votre travail, sur le travail de prévision, de modélisation pour essayer d'un peu mieux comprendre encore et d'un peu mieux anticiper justement le trajectoire, le parcours, l'intensification de ces cyclones. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Ludivine Ruba, Bernard Legras. Merci beaucoup d'être venu nous parler des cyclones et des ouragans aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment retrouver cette émission, la télécharger, la podcaster ainsi que tous les autres, et on vous remercie puisque vous êtes de plus en plus nombreux, hein, 1 million de podcasts au moins, plus d'1 million de podcasts au mois de septembre. Merci de votre fidélité, en tout cas c'est sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Hugo Bartolomei, Elisabeth Miro à la réalisation, Victoria Asper à la technique, Victor Buton au droit d'auteur. Un mot sur la suite de vos aventures sur France Culture tout à l'heure dans Le Grain à Moudre. Hervé Gardette se demandera si on en fait trop avec le genre. Dans quelques instants, on change de genre puisque c'est précisément la série documentaire consacrée à Rouge comme les règles tout au long de la semaine par Juliette Boutillier et Nathalie Battus. Et nous, demain, alors qu'un chirurgien très controversé écrit sur tous les toits qu'il s'apprête à réaliser la première greffe de corps, ou que la greffe de tête, ça dépend du point de vue, et bien nous ferons un point sur la réalité des avancées scientifiques en matière de greffe complexe. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.